بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui, c'est la suite du cours de Al-Furqan, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et aujourd'hui c'est... Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui c'est le cours numéro 43. Et on était arrivé donc le livre du Cheikh Ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, là où on est arrivé, il dit: wa hadhihi sifatu al-muhajirin alladhina hajaru as-sayyi'at. Wa hadhihi sifatu al-muhajirin alladhina hajaru as-sayyi'at. Et donc par rapport au verset 8 dans sourate Al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il décrit les pauvres parmi les muhajirin, et il dit ça c'est les muhajirin, c'est la description des muhajirin qui se sont écartés ou qui ont laissé les péchés. Muhajir, ça vient du mot hijra, hajarahu hajran wa hijranan bil kasr, yani saramahu. Donc de faire le hajar d'une chose, quand tu dis hajar al-shay, ça veut dire tarakahu, c'est-à-dire délaisser une chose. Wa fi as-sawm i'tazala fihi 'an an-nikah, yani yahtajiran wa yatahajaran yataqata'an, wal ismu al-hijratu bil kasri. وهجر الشرك وهجرا وهجرانا وهجرة حسنة والهجرة بالكسر وبالضم الهجرة والهجرة الخروج من أرض إلى أخرى قد هاجر والهجرتان هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. Donc tout ça c'est des explications linguistiques du mot hijra. Et le terme ici muhajir, ça veut dire celui qui a fait la hijra. Et les muhajirin ou les muhajiroun, c'est ceux qui ont émigré, c'est-à-dire qui ont quitté la Mecque pour aller vers Médine, ou bien qui ont quitté la Mecque pour aller vers l'Éthiopie à un moment donné, il a le habasha. Et le Cheikh dit al-hijratu fi al-lugha hiya at-tark wa az-zajru fahjur wa hijratu al-qulubi min al-kufri ila al-imani wa min ash-shirki ila at-tawhid wa hiya min at-tark, yani tarku ash-shay yuqalu hajarahu idha tarakahu, wa amma al-hijra fi ash-shar' fa hiya ala qismayn 'ammatan wa khassa. Donc la hijra dans la langue arabe, ça signifie at-tark, le délaissement, ou le fait de laisser quelque chose, délaisser une chose. War-rujza fahjur, war-rujza c'est les idoles, fahjur, alors écarte-toi, hein, écarte-toi-en. Wal-hijratu, hijratu al-qulubi min al-kufri ila al-imani wa min ash-shirki ila at-tawhid. Donc c'est le fait que les cœurs délaisse la mécréance vers la foi et le shirk, l'idolâtrie, vers le tawhid, l'unicité d'Allah. Wa hiya min at-tarki, hein, min at-tark, ça a rapport avec le délaissement, l'abandon, le fait de laisser, quitter une chose. Yuqalu hajarahu idha tarakahu. On dit d'une chose qu'on l'a délaissé lorsqu'on l'a, hein, on dit hajarahu, ça veut dire on l'a délaissé. Dans la religion, il y a deux catégories de signification. Il y a deux sens pour le sens de al-hajr ou al-hijra plutôt. Une qui est générale et une qui est spécifique. Une signification qui est générale et une signification qui est spécifique. Fal-hijratu, fal-ammatu, hajru kulli ma harram Allah. هجر كل ما نهى الله عنه من المعاصي والسيئات وجميع المخالفات وهذه هجرة بمعنى أنه ترك المعاصي وهجرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Donc هذا في كلام شيخ الفوزان. نعم. Donc le cheikh il explique le sens général de la hijra dans le sens religieux. C'est le sens religieux général du mot hijra, c'est le fait de quitter ce que Allah a interdit. Parmi les péchés, les désobéissances, les choses qui sont en contradiction avec la foi. Donc ça fait partie de la hijra aussi, c'est le sens de délaisser et d'abandonner les péchés et de s'écarter des péchés. Et c'est pour ça que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Amr, il dit que le musulman est celui dont les autres musulmans ont été en sécurité ou ont été en paix vis-à-vis de sa langue et de ses mains. Le musulman, il a été épargné de sa main et de ses... Le vrai musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont épargnés du mal de sa langue et de ses mains. Et le muhajir, celui qui a accompli la hijra, c'est celui qui a délaissé ce que Allah a interdit. Celui qui a délaissé ce que Allah a interdit. Donc ça veut dire que le sens général de la hijra, c'est de s'écarter des péchés et de l'interdiction. Et ça fait du sens, pourquoi ? Parce que quelqu'un peut par exemple faire la grande hijra, ou le sens spécifique de la hijra, quitter le pays de mécréance ou de péché vers le pays de l'islam, puis s'il n'a pas délaissé les péchés, ben il va être dans les pays musulmans, il va faire les mêmes péchés que ce qu'il faisait dans les pays de kufr ou dans les pays de désobéissance, parce qu'il n'a pas fait cette première hijra qui est très importante, qui est de délaisser les péchés. D'accord ? Donc peu importe où tu es, tu dois faire cette hijra de délaisser les péchés et de t'en écarter. Et il dit الهجرة العامة هجرة ما نهى الله عنه من الشرك وما نهى عنه من المعاصي وما نهى الله عنه من الأذى وكلام السوء وغير ذلك. هذه هجرة العامة. Donc la hijra générale, sens général, c'est l'interdiction, ce que Allah a interdit tout en écarte, le shirk, les péchés, les choses qui font du tort et qui nuisent aux autres, les mauvaises paroles, toutes ces choses-là, tu dois t'en écarter. Et la hijra qui est particulière, al-hijratul khassa, hiya al-hijratu min bilad al-kufr ila bilad al-islam, firaran bid-din. Hadhihi hijra al-hijratul khassa. Wa hiya min afdal al-a'mal kama ya'ti. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الهجرة على نوعين هجرة الأبدان وهجرة القلوب. Donc le cheikh il dit que la hijra qui est particulière, c'est la hijra des pays de kufr vers les pays de l'islam pour fuir avec sa religion, c'est-à-dire pour fuir dans le but de préserver sa religion. Et cette hijra elle est particulière. Et c'est parmi les meilleures œuvres, hein, et comme l'imam Ibn al-Qayyim l'a mentionné, la hijra elle est de deux catégories, la hijra physique du corps et la hijra du cœur, la hijra du cœur. Donc, al-hijratul abdan min bilad al-shirk ila bilad al-islam, donc la hijra du corps c'est de quitter les pays de shirk vers les pays de l'islam. وعليكم السلام ورحمة الله. وهجرة القلوب الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله من البدعة إلى السنة، وهذه هجرة القلوب هذه هجرة دائمة. كل حياة العبد ينبغي أن يكون مهاجرا بقلبه، وأما هجرة الأوطان فهذه تفعل عند الحاجة إليه، أما هجرة القلوب فهذه دائمة في حياة المسلم. La hijra du cœur, c'est la hijra vers Allah et son messager, et c'est de quitter la bid'a vers la sunna. Et cette hijra des cœurs, eh bien, c'est une hijra qui est permanente. Tu dois toujours la faire à travers ta vie. Pendant toute ta vie, tu dois être un muhajir avec ton cœur, tandis que la hijra des contrées ou des pays, celle-là, tu l'as fait lorsqu'il y a un besoin, hein, lorsqu'il y a un besoin de le faire. Hein, mais la hijra du cœur, ça, c'est tout le temps. Tu dois constamment la refaire à travers ta vie. Et là. Donc, la hijra physique, par exemple, si tu vas dans un pays musulman, tu quittes un pays de kufr pour aller dans un pays musulman. Et puis, si, par exemple, le pays musulman dans lequel tu es, il y arrive quelque chose et qu'il y a un changement dans le pays, et que, par exemple, ce pays-là, par la suite, il devient mauvais, tu dois encore quitter ce pays-là pour aller dans un autre. Hein? Donc, ça peut se... C'est-à-dire, tu peux refaire la hijra plusieurs fois, mais c'est en général, yani, c'est pas aussi souvent. Hein? Tandis que la hijra du corps, la hijra du cœur, ça c'est tout le temps que tu dois la faire. Tu dois toujours délaisser les péchés, délaisser les innovations, délaisser les interdictions, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh il dit, wajahadu a'da Allah, باطنا وظاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الله على دمائهم وأموالهم شيخ الإسلام ابن تيمية الزي وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الله على دمائهم وأموالهم. Donc il dit que donc la caractéristique de ces muhajirines, c'est qu'ils ont également lutté contre les ennemis d'Allah, intérieurement et extérieurement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le croyant, c'est celui que les gens n'ont pas peur de ils sont en sécurité vis-à-vis de lui, dans leur sein et dans leur bien. Sont en sécurité vis-à-vis de lui, dans leur sein et dans leur bien. Donc, c'est-à-dire que le mu'mine, c'est celui que les gens, ils n'ont pas de raison d'avoir peur de lui, pour leur bien, pour leur sein, pour leur vie. Et il y a un lien entre les deux. Al-aman ou al-iman. Hein? Al-aman, c'est la sécurité. Et al-iman, c'est la foi. Donc, il y a un lien entre les deux, même dans la structure et les lettres qui sont employées, c'est presque les mêmes. Aman, Iman. Hein? Et ils ont un sens qui est proche aussi. Parce que Al-Mu'min, il est en sécurité, et t'es en sécurité vis-à-vis de lui. Hein? Il ne te fait pas de tort. Et donc, il dit le Cheikh, فجمعوا بين الهجرتين شيخ الفوزان الذي فجمعوا بين الهجرتين الهجرة العامة وهي هجرة ما نهى الله عنه والهجرة الخاصة وهي الهجرة بالدين من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. Donc les vrais muhajirin, ils ont lutté contre les ennemis d'Allah intérieurement et extérieurement, et ils ont réuni entre les deux sens de la hijra générale, hein, c'est-à-dire le fait de s'écarter des interdictions d'Allah, et la hijra qui est spécifique de quitter les pays de wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, de quitter les pays de kufr, hein, pour préserver ta religion et d'aller vers les pays de l'islam. Et il dit wa hada min al-iman, hein, هذا من الإيمان الذي ليس هذا هو تعريف الإيمان كله بل هذا من الإيمان من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أما من لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم فهذا إيمانه ناقص ليس بمؤمن الإيمان الكامل بل إيمانه ناقص. المؤمن من أمنه الله أو المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يعني المؤمن الإيمان الكامل من أمنه الناس على دمائهم فلم يسفك دماء حراما أو دما حراما يعني لا من المسلمين ولا من المعاهدين والمستأمنين ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني نفس المؤمن ونفس المعاهد يعني حرم الله قتلها. فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وعلى أموالهم فلا يغش ولا يخون ولا يسرق. ليست الخيانة بالسرقة فقط وإنما الغش وخيانة وإنما الغش خيانة إنما الغش خيانة أيضا الغش خيانة في البيع والشراء. ولا يأمنه الناس على أموالهم ولا يأمنونه بالتعامل معه هذا نقص في إيمانه. Donc le cheikh dit que la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée du croyant, que le croyant c'est celui dont on est en sécurité, les gens sont en sécurité vis-à-vis de lui dans leur sang et dans leur bien, dit ça c'est pas la définition de tout ce qui a rapport avec la foi. C'est-à-dire que ça fait partie de la foi, mais c'est pas la foi au complet. Et donc il dit le cheikh que si on est en le croyant c'est celui dont on est en sécurité ou que les gens sont en sécurité vis-à-vis de lui dans leur sang et dans leur bien, il dit et si ce n'est pas le cas, si quelqu'un il est musulman mais que les gens ne sont pas en sécurité vis-à-vis de lui dans leur sang et dans leur bien, ça veut pas dire qu'il n'est pas croyant du tout ou qu'il n'est pas musulman du tout, non. Ça veut dire que sa foi, elle est faible, et qu'il n'est pas un croyant dont la foi est complète. Donc c'est un croyant qui a une foi faible. Il dit donc que le croyant, c'est celui dont les gens sont en sécurité par rapport à leur sang et leur bien, c'est-à-dire le croyant dont la foi, elle est complète. On va être en sécurité vis-à-vis de lui, dans notre sein et dans nos biens. Et ça veut dire quoi? Dans leur sein. Dans leur sein, ça veut dire il va pas faire couler leur sein de manière illicite. Ou il va pas les tuer. Ni le sein des musulmans, ni le sein des non-musulmans qui sont avec une entente avec les musulmans ou qui sont en sécurité par rapport aux musulmans. Comme par exemple les non-musulmans ou les koufars qui ont une entente de paix avec les musulmans. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un pays ou dans un état où le dirigeant musulman il a signé une entente de paix avec ces pays-là. Aujourd'hui, les pays musulmans et les pays non-musulmans ils ne signent pas nécessairement des ententes individuelles avec chacun de ces pays-là. Un par un, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est que avec le Conseil des Nations Unies, ils signent des ententes internationales générales de paix avec les différents États dans le monde, d'accord? Et donc ça compte comme étant une entente de paix entre les musulmans et les non-musulmans, et tous les citoyens ou les habitants de ces États, des pays non-musulmans qui ont été, disons, en paix ou qui ont signé cette entente de paix avec les pays musulmans de façon générale, ou ces traités internationaux, eh bien, ils sont parmi les mu'ahadoun et les musta'manoun, parmi les kuffars. Et donc, il n'est pas permis pour les musulmans de faire couler leur sang. Autant qu'il n'est pas permis pour eux de faire couler le sang des musulmans de la même manière. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Et ne tuez pas l'âme que Allah a interdit de tuer excepté pour un droit. hein, excepté pour un droit de la charia. Et ça, c'est le verset 33 dans Sourate Al-Isra. Donc, l'âme du musulman, du croyant, et l'âme du mécréant qui est sous l'entente de la protection de l'entente de paix, hein, avec les musulmans, Allah a interdit qu'on le tue, qu'on prenne cette âme. Allah a interdit qu'on prenne cette âme. Et il dit que le croyant, c'est celui dont les gens sont en sécurité vis-à-vis de leur, vis-à-vis de lui, par rapport à leur vie, par rapport à leur bien. Et ça veut dire que par rapport à leur bien, il ne va pas les tricher. Il ne va pas leur faire des ruses ou de leur jouer des tours. Hein. Donc il ne va pas les trahir. Il ne va pas les voler. Il dit que Al-Khiyana, la trahison, c'est pas juste dans le fait de voler quelqu'un, mais des fois tu vas vendre à quelque chose à quelqu'un qui est défectueux ou qui a un problème. Ça, c'est pas du vol direct, mais c'est une forme de trahison parce que tu triches la personne, hein? Tu lui fais croire que le produit il est bon, puis le produit il est pas bon, hein? Regarde, je suis allé acheter un câble pour le chargeur. Et le vendeur, c'est un musulman. Il a essayé peut-être 4 ou 5 câbles avant de me le donner, lui. Parce qu'il voulait être certain que le câble qu'il allait me donner, il fonctionne bien. Et il sait qu'il y en a qui ne fonctionnent pas bien. Alors, il a pris chacun un par un pour les tester, pour me donner celui qui fonctionne. Donc, celui-là, je n'ai jamais eu de problème avec. Il charge vraiment bien. Tandis qu'une autre fois, je suis parti et j'ai été pressé, j'ai pris, il m'a donné n'importe lequel et les autres, ils ne chargent pas bien. Donc ça veut dire que quand tu vends quelque chose, il faut que tu saches que le produit fonctionne bien. Si tu sais qu'il y a un défaut, il faut que tu le dises à la personne. Hein? Ça aussi, ça fait partie de l'honnêteté. Et donc, ça rentre dans ce hadith-là. من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. Et si tu le fais pas, eh bien, ça veut dire que dans ta foi il y a un défaut. Ta foi elle est incomplète. Elle est pas correcte. Il y a quelque chose qui manque. Après le cheikh il cite un autre exemple d'un hadith à ce sujet là. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. Le cheikh il cite donc un autre hadith qui est rapporté par Ahmed et des parties de ce hadith sont mentionnées dans Al-Bukhari et Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Le hadith il dit donc que les musulmans le musulman c'est celui dont les autres musulmans vont être en paix vis-à-vis de lui par rapport à sa langue, par rapport à sa main. Donc il ne va pas leur causer du tort avec sa langue, il ne va pas leur causer du tort avec sa main. Le muhajir, c'est celui qui s'est écarté de ce que Allah a interdit. Et le mujahid, celui qui fait le jihad, c'est celui qui lutte contre son âme, hein, dans la religion d'Allah et dans les choses qui ont rapport avec la foi. Donc l'explication de ces différents points, le cheikh Al-Fawzan dit « Kadhalika hadha » هذا الإسلام الكامل هذا الإسلام الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده فإن لم يسلم المسلمون من لسانه بالكلام عليهم وتنقصهم أو يده بقتلهم وضربهم وغير ذلك فهذا ليس بمسلم الإسلام الكامل ليس معناه أنه كافر معناه أنه ليس بمسلم الإسلام الكامل لأنه ترك خصلة أو خصلة من خصال الإيمان ففيه نقص. Donc le cheikh il explique la même chose que qu'est-ce qu'on a vu dans le hadith tout à l'heure, c'est que le musulman, le vrai musulman, c'est celui dont l'islam il est complet, c'est celui dont les autres musulmans vont être en sécurité par rapport à lui dans par rapport à sa langue et sa main. Et ça ne veut pas dire que si un musulman par exemple on n'est pas en sécurité par rapport à sa langue et sa main qu'il est automatiquement kafir. C'est-à-dire, ah, lui, il frappe les gens, ou bien il insulte les gens, donc ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Non. Ça veut dire que son islam, il n'est pas complet. Ça veut dire que son islam, il n'est pas parfait. Ça veut dire que son islam, il est faible. Hakada. Wa, yani hada wa. Donc c'est ça. La définition de la foi et de l'islam, hein, si les deux termes sont mentionnés dans un même verset ou dans un même hadith, chacun aura une signification spécifique. L'islam va désigner les actes apparents du corps et la foi, l'iman, va désigner la foi du cœur. Si les deux termes sont mentionnés dans deux textes séparés, c'est-à-dire que dans un seul texte, comme ici, on mentionne l'islam. Hein? Donc ici, ça implique les deux, l'islam et la foi. L'iman ou l'islam ensemble. Donc ça, c'est les deux qui sont impliqués. Tandis que si dans un autre hadith, comme tout à l'heure, on parle du mu'min. Et quand on parle du mu'min tout seul, ça implique les deux, encore une fois, l'islam et l'iman. Et quand ils sont ensemble dans le même texte, chacun aura une signification séparée, différente. Donc ici, c'est ça que le cheikh explique, que le musulman dont l'islam est complet, on va être en paix et on va être en sécurité vis-à-vis, on va être en sécurité et en paix vis-à-vis de sa langue et sa main. Mais ça ne veut pas dire que son islam, il est complètement nul et qu'il n'a pas d'islam. Non, ça veut dire que son islam, il n'est pas complet. Hein? Son islam, il n'est pas complet. Il y a un manque dans son islam. Son islam, il est faible. Hein? Il est faible. Parce qu'il y a des awam, parfois des musulmans du commun qui n'ont pas vraiment compris les détails de ces sujets-là. Et puis quand ils voient un musulman qui fait un péché, ou qui triche, ou qui frappe quelqu'un, ou des choses comme ça, ils vont dire quoi? Dire, ah, lui là, ça c'est pas un musulman ça. Hein? Ça c'est pas un musulman. Mais ils disent pas ça dans le sens qu'ils veulent faire le takfir. Ils disent ça par ignorance parce qu'ils ne comprennent pas les détails. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire en réalité? C'est pas qu'il n'est pas musulman, mais c'est plutôt qu'il... C'est pas quelqu'un qui agit comme un musulman. Parce qu'un musulman, ça, c'est pas ça son comportement. Le comportement du musulman, c'est pas ce comportement-là. C'est ça qu'ils veulent dire. C'est comme si tu dis à quelqu'un, hein, tu le vois en train de faire un péché, tu lui dis, mon frère, pourquoi tu agis comme les koufars? Hein? Si quelqu'un il entend ça, il va dire, ah, mais pourquoi tu le traites de kafir? Non, je ne le traite pas de kafir. Je dis que l'action qu'il fait, c'est l'action du koufar. Ça ne veut pas dire que lui-même il est kafir. Hein? Il agit comme eux. Ça ne veut pas dire qu'il a la même croyance que eux. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est des choses qui peuvent sembler insignifiantes ou rien, mais c'est des choses vraiment importantes. Des petits détails, des nuances là, mais c'est important de faire attention à ces nuances là, et c'est pas tout le monde qui les comprend, ces choses là. D'accord? Donc il faut faire attention aussi à qui on les mentionne. Et le cheikh, il dit aussi, wal mujahidu, hein, wal mujahidu, ou wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Le muhajir, c'est celui qui s'écarte de ce qu'Allah a interdit. Ça c'est la hijra générale, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et l'autre partie à propos du mujahid, celui qui lutte contre son âme, hein, vis-à-vis de ce que Allah aime, et dans ce que Allah aime, il fait des efforts pour Allah. Il dit, hada min al-jihadi, hein, hada min al-jihad an yujahida nafsahu. أول ما تجاهد من الأعداء من الأعداء نفسك أول ما تجاهد من الأعداء نفسك يعني لأن الجهاد أقسام جهاد النفس وهذا أول أنواع الجهاد ثم جهاد الشيطان والشياطين الإنس والجن ثم جهاد المنافقين والفساق ثم جهاد الكفار بالسلاح فالجهاد أنواع أولها جهاد النفس لأن من لم يجاهد نفسه لم يجاهد بقية أنواع الجهاد Donc le cheikh il dit le jihad, il faut commencer par le jihad contre son âme. Parce que ça c'est le premier de tes ennemis que tu vas combattre, c'est ton âme. Hein? Il dit que le jihad il est divisé en différentes catégories. Le jihad contre son âme, le jihad, ça c'est le premier des différentes formes de jihad, c'est le jihad contre ton âme. Après le jihad contre les diables, que ce soit les diables humains ou les diables djinns. Ensuite le jihad contre les munafiqins, les hypocrites et les fussaq, les pervers. Après le jihad contre les kuffars avec les armes. Donc le jihad il est de différentes sortes. Mais il dit la première forme de jihad, c'est le jihad contre ton âme qui t'appelle à faire le péché ou qui t'appelle au mal. Il dit parce que si tu n'as pas fait ce jihad là contre toi-même, tu ne pourras pas être capable de faire les autres catégories de jihad. Hein? Faut commencer par le commencement, comme on dit. Si tu n'es pas capable de t'empêcher toi-même des choses mauvaises et de lutter contre ta lâcheté, de lutter contre ton égoïsme, de lutter contre ton avarice, de lutter contre ta paresse, de lutter contre ta gourmandise, de lutter contre toutes les passions que tu aimes. Tu ne peux pas délaisser ça. Alors comment tu vas être capable de faire le djihad contre les kuffars, contre les munafiqins, contre les shayatins? Comment tu vas faire? Tu ne peux pas. Après le shaykh Ibn Taymiyyah, il dit « Wa amma al-hadith alladhi yarwihi ba'duhum annahu qala fi ghazwati Tabuk » رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le hadith que certains rapportent au sujet de par rapport à la bataille de Tabouk, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Nous sommes revenus du petit djihad vers le grand djihad. Hein? » Il dit « Ce hadith-là n'a aucune source authentique. » Et donc, personne ne l'a rapporté parmi les hommes de science, de connaissance des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses actions. Et le hadith il est daif. Il dit dans la note de bas de page c'est écrit أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن جابر رضي الله عنه وذكره المزي في تهذيب الكمال موقوفا على إبراهيم بن أبي عبلة وقال العراقي في تخريج الإحياء رواه البيهقي في الزهد من حديث جابر وقال هذا إسناد فيه ضعف انتهى كلامه انظر المغني عن حمل الأسفار وانظر كشف الخفاء للعجلوني العجلوني لا يليف كسابل كشف الخفاء ومزيل الإلباس بما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. Tu parles d'un titre. Ça, c'est le titre. Hein? Kashful khafa wa muzilul ilbas bima ishtahara min al hadith ala alsinat al nas. C'est ça le titre. Ça veut dire de dévoiler qu'est-ce qui est caché et qu'est-ce qui est confus de ce qui a été, de ce qui est devenu populaire chez les gens. Comme hadith sur la langue des gens. Naam. Al-Hafiz al-Ajlouni. Et Cheikh al-Albani l'a mentionné dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, le hadith numéro 2460. Il a dit que c'est un hadith munkar. Munkar. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon ce hadith-là. Donc, souvent tu l'entends rapporter. On est revenu du petit djihad vers le grand djihad lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la bataille de Tabouk. Et ça, ce hadith-là, le cheikh dit, il n'y a pas aucune source authentique de ce hadith. Et le cheikh dit, wa jihadul kuffari min a'zami al-a'mal. Il dit, c'est là une des plus grandes formes, hein, jihad contre le kuffar, c'est une des plus grandes formes d'action, de bonnes œuvres, une des plus grandes parmi les bonnes œuvres. Il dit même que c'est la meilleure de toutes les formes d'actes surérogatoires que quelqu'un peut faire. Le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, al-jihadu al-akbar, jihadu al-kuffar, laysa jihadu al-nafs. Al-jihadu al-akbar, jihadu al-kuffar bis-silah, wa badhli al-nafs, wal-mal, fi sabilillah, azza wa jal. Fa-afdalu anwa' al-jihad, jihadu al-kuffar fi sabilillah, azza wa jal. Amma annahu qala, sallallahu alayhi wa sallam, lamma raja'u min ghazwati tabuk, raja'na min al-jihad al-asghar, وهو جهاد الكفار إلى جهاد الأكبر وهو جهاد النفس هذا لا أصل له وبعضهم يقول إن هذا من كلام بعض العلماء وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس له سند يعتمد عليه ولا هو في الكتب المعروفة إلا اللهم إذا كان ذكر في بعضها للتنبيه على سنده وأنه ليس بسند يعتمد عليه فالحاصل أن سنده لا يحتج به ومتنه أيضا غير صحيح ليس جهاد النفس أعظم من جهاد الكفار جهاد الكفار أعظم لأن الله أثنى على المهاجرين على المجاهدين في القرآن وفضلهم على غيرهم فكيف يكون جهادا أصغر؟ الله عظم من شأنه وأثنى على أهله وحث عليه جهاد الكفار أعظم أنواع الجهاد وليس جهاد النفس إذن يقعد كل واحد بزاوية في من بيته ويقول أنا أجاهد نفسي ولا أذهب لأغزو ولا أعمل شيئا كيف أذهب للجهاد الأصغر وأترك الأكبر يكون الصحابة قد أخطأوا لأنهم ما قعدوا في بيوتهم يجاهدون أنفسهم تركوا الجهاد في سبيل الله وتركوا الجهاد في سبيل الله donc le cheikh il explique ce point là qui est important en fait il dit le grand jihad c'est le jihad contre les kuffars. Et le jihad al-nafs, c'est pas le jihad akbar. Donc c'est le contraire de qu'est-ce que ces gens-là ils rapportent quand ils rapportent ce hadith-là qui est faible, qui est pas authentique. Ils disent nous sommes revenus du grand jihad vers le petit. Nous sommes revenus du petit jihad vers le grand jihad, en parlant jihad des kuffars. Comme si le jihad des kuffars c'était le petit jihad, puis le jihad contre son âme, ça c'est le grand. Cheikh dit, ça c'est le contraire, la vérité c'est le contraire. Le grand jihad c'est le jihad contre les kuffars et le petit jihad, c'est le jihad de nafs si on veut. Il dit le cheikh le jihad al-akbar, c'est le jihad contre les kuffars, le grand jihad c'est le jihad contre les kuffars avec les armes. En dépensant sa vie, ses biens dans le sentier d'Allah. Et ça, c'est la meilleure forme de jihad. Le jihad contre les kuffars dans le sentier d'Allah. Bien entendu, ici, il est important de mentionner que le jihad, c'est le jihad qui est fait avec les conditions de l'islam, selon les règles de l'islam, pas selon les méthodes des kuffars ou bien les méthodes des khawarij, qui emploient ou qui utilisent le terrorisme et puis qui prétendent qu'ils font le jihad. Non, le jihad, c'est avec une armée officielle, légitime, qui est gouvernée et dirigée par le chef de l'État d'un pays musulman, dans les pays musulmans. Donc c'est le commandant de l'armée qui les ordonne et qui les contrôle et qui gère les manœuvres et qui organise le combat et qui gère toutes les choses. Et c'est selon les règles et les conditions de l'islam, et selon les conditions de la charia. Et non pas comme les sauvages aujourd'hui, les fous qui font des attentats terroristes et qui disent nous on fait le djihad. Ça c'est pas du djihad, ça. Ça c'est du fasad, hein, c'est du désordre. Et Allah n'aime pas le désordre. Wallahu la yuhibbu al-fasad. Hein? Donc le cheikh il explique donc que le djihad, le meilleur, le plus grand, c'est le djihad contre les kuffars. Et il dit, tandis que ce qui est rapporté ici, quand ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la bataille de Tabouk et qu'il aurait dit nous sommes revenus du petit djihad, c'est-à-dire le djihad contre les kuffars, vers le grand djihad, c'est-à-dire le djihad contre son âme, il dit ça, il n'y a pas d'origine authentique ou de source authentique pour ce hadith. Et il dit, certains disent que ça c'est une parole des ulama, c'est pas la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'y a aucune chaîne de transmission authentique sur laquelle on peut se baser pour cette narration-là, ni dans les livres connus, excepté peut-être, il dit, si certains savants l'ont mentionné uniquement pour indiquer la faiblesse de sa chaîne de transmission. Hein? Parce que parfois les ulama de hadith, ils mentionnent des hadiths da'if dans leur livre. Certains ulama de hadith, dans les sunan, ils ont mentionné des hadiths qui sont faibles. Et la raison pourquoi ils mentionnent les hadiths faibles, c'est pour que hein, les gens sachent que ce hadith-là est faible. Et non pas pour l'utiliser comme preuve ou référence. Donc le cheikh, il dit que, donc qu'est-ce qu'on peut comprendre ici, c'est que on ne peut pas se baser sur le hadith en question, ni dans sa chaîne de transmission, et ni dans le texte du hadith lui-même, puisque même la signification du texte de ce hadith, elle est fausse, elle est incorrecte. Parce que le djihad au nafs, il n'est pas plus grand que le djihad contre les kuffars. Hein? Le djihad contre les kuffars, il est plus grand. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge des mujahidines dans le Coran. Et il a mentionné qu'ils sont meilleurs que les autres, que ceux qui ne le font pas, le djihad. Et donc, comment quelqu'un hein, qui fait le djihad, hein, comment ça, alors que Allah a fait l'éloge de ça, est-ce que ça serait, disons, le fait de rester, de partir au combat, ça serait plus petit, hein, alors que Allah a mentionné toutes les choses importantes et les grandes récompenses qui sont reliées à ce djihad-là, le djihad contre les kuffars, Allah il a fait l'éloge de ceux qui le font. Il a mentionné la récompense de ceux qui le font et tout ça, et il a incité aux croyants de le faire. Puis ensuite, ce serait le petit djihad. Hein? Puis le grand djihad, ce serait de rester à la maison. Puis de faire le djihad, de se concentrer contre son âme et nos passions et nos désirs. Il dit, la plus grande des formes du djihad, c'est le djihad contre les kuffars. C'est pas le djihad contre son âme. Il dit, sinon tout le monde pourrait rester chez lui, à la maison, et dire, moi je me concentre sur le djihad de mon âme. Hein? Je ne veux pas combattre les kuffars, je ne veux pas défendre la charia, élever la parole d'Allah. Hein? Donc comment? Mais c'est vrai, parce que comment tu vas partir? Tu vas quitter le grand djihad pour aller faire le petit. Ça ne fait pas de sens. Donc il dit, dans ce cas-là, ça voudrait dire que les sahaba, ils se sont trompés. Hein? Au lieu de rester chez eux, ils sont sortis aller combattre les ennemis de l'islam, les mushrikines, et ils ont abandonné le grand djihad, ils sont allés faire le petit à la place. Non, ça fait pas de sens de dire ça. Donc le cheikh, il est en train d'expliquer en fait que ça c'est une erreur dans la compréhension. Pourquoi il mentionne ça? Parce qu'il y a des soufis, parmi les soufis, il y en a qui ont l'idée que justement le grand djihad, c'est le djihad au nafs. Et non pas de prendre les armes contre les koufars et les mouchriquins pour les combattre. Alors il dit, si tu es un soufi, un wali hein, d'Allah, tu vas pas prendre les armes, tu vas pas combattre. Ça, c'est pas digne. Le wali, il n'est pas... C'est-à-dire, le wali, il est au-dessus de ce genre de choses. Hein. Il laisse ce genre de petit djihad. Il va vers le grand, il se concentre juste sur son âme. Donc ça, c'est les déformations qu'est-ce que signifie être un wali. et déformation de la réalité du djihad. Et donc le cheikh il mentionne aussi, et c'est pour ça que les kuffars aussi ils aiment les soufis, hein, ils propagent le tasawwuf, parce qu'ils savent que les soufis, il y a beaucoup d'entre eux, ils ne vont pas faire le djihad, hein, ils sont contre le djihad, donc à cause de ça. Et le cheikh dit وقال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين, donc il cite le verset قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Donc le chef ici il a cité deux versets à ce sujet là. Le premier qu'il a cité c'est le verset 95 dans sourate An-Nisa. Et on a déjà lu ce verset-là dans les versets précédents. Donc, verset 95, dans Sourate An-Nisa, il dit ce qui signifie « Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah a donné à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense, et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants Allah a mis les combattants, c'est-à-dire les mujahidin, au-dessus de ceux qui ne sont pas combattants parmi les musulmans, en leur accordant une rétribution immense. » Donc, et ensuite le verset suivant, il dit des grades de supériorité de sa part, hein, ainsi qu'un pardon et une miséricorde, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Darajatin minhu maghfiratan wa rahma, wa kana Allahu ghafuran rahima. Puis ensuite, il mentionne les versets 19 à 22 dans Surat At-Tawbah. Dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie « Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée des devoirs comparables, hein, au mérite de celui, hein, qui croit en Allah et au jour dernier et qui lutte dans le sentier d'Allah, qui fait le djihad dans le sentier d'Allah. Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. » Donc le fait de donner à boire et donner à manger à ceux qui viennent faire le hajj à la Mecque, tu leur donnes à boire, tu leur donnes à manger, tu penses que ça c'est équivalent à celui qui fait la salat, qui donne la zakat et qui lutte dans le sentier d'Allah, hein, et qui croit en Allah et qui lutte dans le sentier d'Allah, tu penses que ces deux choses là c'est des choses équivalentes, hein? Il dit ça aux mushrikins. Il dit ils ne sont pas égaux auprès d'Allah, donc ils ne sont pas égaux auprès d'Allah, et Allah ne guide pas les peuples injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté qui ont lutté par leur bien et leur personne dans le sentier d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Et ce sont eux les victorieux. Et le verset 21, il dit, leur Seigneur leur annonce de sa part une miséricorde et un agrément et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent. Et le verset 22, hein, où ils demeureront éternellement, certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Donc, ça c'est des preuves claires que ceux qui luttent avec leur personne et leur bien dans le sentier d'Allah sont meilleurs que ceux qui restent et qui ne le font pas. Le cheikh dit « La yastawi al-qa'iduna alladhina yaqa'iduna » يقعدون عن الجهاد ولا يخلون من إحدى الحالتين الذين يقعدون عن الجهاد لا يخلون من إحدى الحالتين الحالة الأولى أن يكونوا معذورين عندهم ضرر يمنعهم من الخروج للجهاد معذورون عن الخروج والفئة الثانية من قعد عن الجهاد المستحب وهو لا عذر له ذكر الله الصنفين في هذه الآية فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين يعني على ذوي الأعذار يعني من ذوي الأعذار درجة واحدة وفضل الله المجاهدين على القاعدين الذين لا ضرر عليهم أجرا عظيما يعني درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الجهاد كما هو معلوم منه ما هو فرض ومنه ما هو فرض كفاية والمراد هنا ما هو فرض كفاية الذي إذا قام به من يكفي بقي في حق سائر المؤمنين سنة وهذه السنة من أفضل الأعمال. Donc le cheikh explique que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les deux situations par rapport à ceux qui ne vont pas au djihad. Il dit que ceux qui ne vont pas au djihad, ils sont dans deux situations, soit qu'ils sont excusés parce qu'ils ont une infirmité ou une maladie ou quelque chose qui les empêche d'y aller. Dans ce cas-là, ceux qui y vont ont un degré de supériorité par rapport à ceux qui n'y vont pas. Tandis qu'il y a une autre catégorie, c'est ceux qui n'y vont pas au djihad, mais pas parce qu'ils ont, pas parce qu'ils n'ont pas d'excuse, pas parce qu'ils ont une excuse, ils ne vont pas parce que c'est un djihad qui n'est pas est obligatoire à tout le monde. C'est un djihad qui est volontaire pour ceux qui veulent y aller. Donc dans ce cas-là, si les croyants ont le choix d'y aller ou de ne pas y aller, parce que c'est un djihad qui est fard ou kifaya, donc alors dans ce cas-là, celui qui part pour combattre et qui décide d'y aller, alors qu'il a le choix d'y aller ou de ne pas y aller, alors là il aura des degrés de supériorité, c'est pas un seul degré, mais des degrés de supériorité et un pardon et une miséricorde venant d'Allah. Donc, comme on le sait, le cheikh dit le djihad, il peut être obligatoire pour un groupe de musulmans, comme il peut être obligatoire pour un nombre suffisant. S'il y a un nombre suffisant de combattants, alors les autres ne sont pas obligés d'y aller. S'ils veulent y aller, c'est recommandé seulement. C'est pas obligatoire. Et s'ils y vont, ils auront une récompense supérieure. Parce que c'est pas obligatoire. Et donc il dit, ces deux choses-là sont clarifiées, ces deux degrés-là sont expliqués dans ce verset. وَهَذِي سُنَّةٍ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. Donc le fait de partir dans ce djihad qui n'est pas obligatoire, c'est une des formes d'actes surérogatoires qui fait partie des meilleures actions qu'un croyant peut faire comme adoration. Là, oui, c'est ça. Le djihad, il est de deux catégories, comme on l'a déjà expliqué dans le passé. Il y a le djihad offensif et le djihad défensif. Okay. Puis le djihad défensif, eh bien, dans ce cas-là, les ulama ils disent que c'est fard ou ayn. Lorsque l'ennemi approche et qu'il est en route vers les frontières des pays musulmans, donc dans ce cas-là, c'est obligatoire à tous les musulmans de ce pays-là de de venir pour repousser l'ennemi, l'empêcher de rentrer. D'accord? Mais sinon, il y a le djihad qui est le djihad offensif. Ça, c'est lorsque les musulmans ont la capacité et la force. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire pour tous les croyants. C'est uniquement obligatoire pour ceux qui veulent y aller. Une fois que le nombre de combattants suffisant a été atteint, ceux qui veulent y aller, alors ils sont recommandés d'y aller. Mais ce n'est pas une obligation. Non, il n'y aura pas ça. C'est-à-dire que... Parce que en fait, il faudrait pour que ce soit dans ce cas-là, un cas comme ça, que tous les koufars du monde entier attaquent les musulmans en même temps. Et c'est rare que c'est le cas, tu vois. En général, ils vont attaquer un pays en part à la fois, puis y aller. Et ça, c'est juste dans le cas où, quand est-ce que ça va être fardouin, c'est uniquement dans le cas où l'ennemi, il arrive pour attaquer les musulmans, et on le voit venir. Une fois qu'il s'est installé, qu'il a réussi à prendre le dessus, puis à s'installer, à prendre le contrôle du pays, alors là, ça devient une autre règle, parce qu'à ce moment-là, les musulmans, ils vont faire une entente de paix avec cet envahisseur, ok? Et puis, le combat contre cet ennemi-là, il ne va pas se faire de l'intérieur, mais plutôt des autres pays musulmans qui sont aux alentours, qui vont... qui vont s'aider pour essayer de les combattre pour éviter, parce que sinon ça devient une guerre civile à l'intérieur du pays, puis ça fait plus de désordre, comme dans certains pays, qu'est-ce qu'ils ont fait là, en Irak ou bien en Afghanistan ou ailleurs, ils sont rendus à tuer des innocents à cause de ça, et à faire couler le sang, et ça fait de la fitna. Donc les ulama, ils ont parlé de ça. Où est-ce qu'on était? Pardon? Ouais, non, c'est ça, c'est un sujet un petit peu détaillé. Hein? C'est des sujets qui sont un petit peu, comment on dit, il y a beaucoup de détails là-dedans, des subtilités, mais ça, c'est des sujets que les chouchous, les ulama, ils ont clarifiés. Parmi les ulama, ils ont parlé de ces questions-là en détail dans leurs livres et dans les fatwas qu'ils ont donnés. Le problème des fois, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de ces livres-là qui sont connus en langue arabe et qui sont disponibles, mais beaucoup de ces livres-là qui n'ont pas été traduits en français. Alors les gens qui ne parlent pas arabe, ils ne connaissent pas. Ou bien les gens qui ne sont pas au courant de ces écrits-là, eux, ils ne savent pas que les ulama, ils ont parlé de ça en détail. Alors, ils font leurs propres opinions ou leurs propres verdicts sans revenir à ce que les ulama ont dit là-dessus. Pourtant, il y a des paroles claires là-dessus, en des détails. Là, sur les ulama, ils ont parlé de ça en détail, puis ils ont expliqué les règles là-dessus en détail. Des fois, c'est soit qu'ils ne connaissent pas les paroles des ulama, ou soit que c'est des gens de passion, des gens de la passion, des khawarij, des hasbiyin, et qui prennent uniquement les paroles qui vont aller dans le sens de leur désir. Alors même s'ils entendent la parole des ulama, si la parole des ulama ne leur fait pas plaisir, ou s'ils ne sont pas satisfaits du Coran et de la Sunna que les ulama ont suivi, alors ils vont rejeter leur position, puis ils vont chercher une autre réponse qui va être en accord avec leur désir. Et c'est pour ça après qu'ils prétendent comme si les ulama, ils n'ont pas parlé. C'est pas vrai, ils ont parlé les ulama, mais ils n'ont pas dit ce qu'eux voulaient entendre. Alors, à cause de ça, ils ne vont pas l'accepter. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite, « وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ وَغَيْرِهِ مِنَ عَنِ النُّعْمَانِ ابْنُ بَشِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ كُنْتُ عن النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي إلا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال علي بن أبي طالب الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما فقال عمر لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا قضيت الصلاة فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى آخر الآية. Donc le cheikh il dit qu'il était rapporté, ça s'est rapporté dans Sahih Muslim, selon An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit j'étais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a un homme qui a dit, ça m'est égal, qu'est-ce que je fais comme action une fois que je suis, après avoir accepté l'islam, excepté que je vais abreuver les gens qui viennent pour faire le hajj. Comme si on voulait dire, je veux pas faire d'autres choses que ça, comme bonne action. Et l'autre, il a dit, ça m'est égal après l'islam que je fasse une bonne action parmi les bonnes actions, excepté que je vais faire, rester dans la mosquée Al-Haram à la Mecque pour faire des prières. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a répondu à ça, il leur a dit, le djihad dans le sentier d'Allah est meilleur que ce que vous avez mentionné comme exemple. Alors Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a dit, n'élevez pas votre voix près du mimbar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voulait en dire, c'est pas bien d'élever la voix en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais plutôt que lorsque vous allez terminer la salat, alors demandez. Et ils ont demandé, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la réponse pour eux dans le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Surat qu'on a lu dans les cours précédents, à propos du verset Ja'altum siqayat al-hajj. On avait lu ce verset-là tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et c'est le verset 19 dans Surat al-A'raf. Ja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram. وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون. Donc le cheikh il explique, il dit Cheikh Al-Fawzan, ouais c'est ça, Cheikh Al-Fawzan il dit هذا سبب نزول الآية. Donc il dit Allah il a fait descendre ce verset là par rapport à cet événement là ou cette situation là. Ça c'est une des situations que les ulama ont mentionné comme cause de la révélation de ce verset-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Des fois, il y a plusieurs causes pour la révélation d'un seul verset. Ici, le cheikh dit هذا سبب نزول الآية في الحديث. يعني ذكره الشيخ أن هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم بعضهم فضل سقاية الحاج. يعني إعداد المال للحجاج وبعضهم فضل عمارة المسجد الحرام على الجهاد في سبيل الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفقهه وعلمه فضل الجهاد في سبيل الله على عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. ولما ذكر أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فسمى من فضل عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج على الجهاد ظالما والله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فوضع الفضيلة في غير موضعها، فوضع الفضيلة أو وضع الفضيلة في غير موضعها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. هذا رد على من قالوا إن عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج أعظم درجة عند الله من الجهاد. أوكي. Donc le cheikh explique que ça c'était une des causes pour lesquelles le verset avait été révélé. Les deux hommes qui discutaient en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir yani, qu'est-ce qu'ils allaient faire comme bonne action, et que certains d'entre eux ont préféré yani, le fait de rester dans la mosquée hein, de la Mecque au haram de la Mecque pour faire les adorations au djihad fi sabilillah, et d'autres ont préféré abreuver les hujjaj, donner de l'eau aux gens qui viennent faire le hajj. Et Ali ibn Abi Talib, à cause de sa compréhension et de sa science, il a dit que non, le mérite du djihad dans le sentier d'Allah, il est plus grand hein, que de rester adoré dans la mosquée ou de donner de l'eau au hujjaj. Il dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ensuite, il a reçu la révélation du verset 19 dans Surat al-A'raf qui dit: est-ce que vous voulez essayer de mettre le fait d'abreuver les hujjaj, ou bien le fait de yani, peupler la mosquée et puis de faire des adorations, que ça c'est équivalent à celui qui a cru en Allah et qui a lutté dans le sentier d'Allah? Donc ils ne sont pas égaux auprès d'Allah, et Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc il a appelé celui qui met ces actions-là à égalité avec le djihad, hein, rester, peupler la mosquée, rester dans la mosquée, s'en occuper, et en même temps aussi peut-être donner de l'eau à ceux qui font le hajj, de comparer ça au djihad, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice, pourquoi? Parce que hein, c'est un mérite qui est beaucoup plus grand que ces deux choses-là. Et de mettre l'injustice, c'est de mettre une chose autre qu'à la place où elle va réellement. Hein? De ne pas mettre la chose à la place qui lui revient. Et donc, ça c'est une injustice. Et donc, de mettre un mérite hein, autre qu'à sa place, ça c'est une injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 20, le verset qui suit, c'est Tawba 19. Et le verset suivant, qui est le verset 20, ceux qui ont cru, qui ont fait la hijra, qui ont fait le djihad par leur bien et leur personne dans le sentier d'Allah, ont les plus hauts degrés auprès d'Allah. Et ce sont eux les victorieux. Donc ça, c'est pour réfuter ceux qui pensent que hein, le fait de s'occuper des mosquées et d'abreuver les gens qui viennent pour faire le hajj, que ça, c'est un plus grand degré. Hein, de djihad auprès d'Allah. Ça, c'est une erreur. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah. Donc, moi, on va arrêter à ce point ici. Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.